بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، l'imam مسلم رحمه الله a rapporté d'après Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. L'islam a commencé en étant étranger et il redeviendra étranger tout comme il a commencé. Bienheureux sont donc les étrangers. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la religion de l'islam a commencé étrangère et qu'elle redeviendra étrangère tout comme elle a commencé. Puis il a annoncé sallallahu alayhi wa sallam la bonne nouvelle aux étrangers qui s'accrochent à cette religion malgré leur petit nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait les éloges et annoncer la bonne nouvelle à ces étrangers. Il convient donc aux musulmans de savoir qui sont ces étrangers et quelles sont leurs caractéristiques afin de pouvoir faire partie d'eux. Nous allons donc dans ce cours, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mentionner l'explication de ce hadith ainsi que les caractéristiques de ces étrangers, et ce en se basant sur un épître du grand savant Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Donc l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Il dit ensuite رحمه الله: l'imam Muslim a rapporté dans son recueil authentique, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé en étant étranger, et il redeviendra étranger tout comme il a commencé. Bienheureux sont donc les étrangers. Et l'imam Ahmed ainsi qu'Ibn Majah ont rapporté d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un rajout à la fin du hadith dans lequel il a été demandé: ô messager d'Allah, qui sont donc les étrangers? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam: quelques personnes dans chaque tribu. Et Abu Bakr al-Ajurri a rapporté dans une autre version qu'il a été demandé: qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont ceux qui sont vertueux alors que les gens sont corrompus. Et dans une autre version, ce sont ceux qui fuient les troubles avec leur religion. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a également rapporté ce hadith en ces termes: la religion a commencé étrangère et elle redeviendra étrangère. Bienheureux sont donc les étrangers qui corrigent et rétablissent ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Et ce hadith est également rapporté par At-Tabarani d'après Jabir radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit lorsqu'il fit interroger: qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont ceux qui sont vertueux alors que les gens sont corrompus. L'imam Ahmed et At-Tabarani ont également rapporté, d'après Abdallah ibn Amr radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: bienheureux sont les étrangers. Nous dîmes: qui sont les étrangers? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont un petit groupe au milieu d'un grand nombre de mauvaises personnes. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et ce hadith est également rapporté d'après Abdallah ibn Amr radiallahu anhu en ces termes: il fut dit: qui sont les étrangers? Et il dit: ce sont ceux qui fuient avec leur religion, et Allah les ressuscitera au jour de la résurrection avec Isa ibn Maryam. Voici donc les versions de ce hadith mentionnées par l'imam ibn Rajab rahimahullah ta'ala. L'imam ibn Rajab rahimahullah a donc commencé par mentionner la version du hadith la plus authentique, et après cela, il a mentionné les autres versions du hadith qu'il explique plus en détail. Et c'est ainsi que procèdent les gens de science. Ils mentionnent premièrement les textes les plus forts en authenticité, puis après cela, ils mentionnent les autres textes qui appuient et expliquent ce premier texte. Dans ce hadith, ils ont donc été appelés « ghuraba », étrangers. Et ce, car la majorité des gens les contredisent. Et bien, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit à ce sujet, ils sont appelés ghuraba, étrangers, car ils sont très peu nombreux au milieu des gens. En effet, la majorité des gens ne possèdent pas ces caractéristiques. Ainsi, les gens de l'islam sont étrangers entre les gens. Les croyants parmi les gens de l'islam sont étrangers. Les gens de science parmi les croyants sont étrangers. Les gens de la sunna qui discernent les passions et les innovations sont étrangers. Et ceux qui appellent à la sunna et patientent face aux nuisances des contradicteurs sont ceux parmi eux qui sont les plus étrangers. Cependant, ce sont eux qui sont les vrais gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont donc pas réellement étrangers, mais ils sont simplement étrangers au milieu de la majorité des gens à propos desquels Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ensuite, pour revenir à l'explication d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a dit à propos de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé étranger. Il a dit, rahimahullah, il a voulu par cela, sallallahu alayhi wa sallam, qu'avant son envoi, les gens étaient sur l'égarement. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a regardé les gens sur terre, arabes et étrangers, et il les a tous détestés, sauf un petit groupe parmi les gens du livre. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dit ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé et qu'il appela à l'islam, seules quelques personnes de chaque tribu acceptèrent son message au début. Et celui qui acceptait avait peur de son peuple et de sa tribu. Il subissait de grandes nuisances, mais malgré cela, il patientait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les musulmans étaient donc en état de faiblesse. Ils étaient rejetés et fuyaient avec leur religion vers des pays lointains. Ils ont donc émigré au Habasha à deux reprises. Puis ils ont émigré à Médine, radiallahu anhum. Certains parmi eux se faisaient châtier dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et certains étaient même tués. Ainsi, ceux qui rentraient dans l'islam à cette époque étaient des étrangers. Radiallahu anhum wa ardahum. Ensuite, après cela, après la hijra vers Médine, l'islam s'est répandu et est devenu apparent. Les gens sont donc rentrés en foule dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a parachevé sa religion et complété son bienfait. Et c'est sur ceci qu'est mort le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans étaient donc sur la droiture dans leur religion et ils étaient soudés entre eux. Et ils étaient également ainsi à l'époque de Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma. L'imam Ibn Rajab dit ensuite, rahimahullah, ensuite, après cela, le diable a usé de sa ruse contre les musulmans, a causé de l'animosité entre eux et a propagé les troubles des ambiguïtés et des désirs. Et ces deux troubles n'ont cessé d'augmenter avec le temps jusqu'à ce que la plupart des créatures se mirent à obéir au diable. Wallahu musta'an. Certains lui obéirent dans la fitna des ambiguïtés et certains lui obéirent dans la fitna des passions. Et certains ont rassemblé entre ces deux fitnas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait certes informé de tout ceci. Quant à la fitna des ambiguïtés, il est rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que sa communauté allait se diviser en plus de 70 groupes et que tous seraient en enfer sauf un seul. Et c'est celui qui suit la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et concernant la fitna des désirs et des passions, il est rapporté dans le recueil authentique de Muslim, d'après Abdallah ibn Amr, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Comment serez-vous lorsque vous obtiendrez en butin les trésors des Perses et des Romains? Abdurrahman ibn Auf répondit alors: Nous serons tels qu'Allah a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Ou autre que cela, vous vous concurrencerez, puis vous envierez, puis vous vous détournerez les uns des autres. Et il est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah, d'après Amr ibn Auf, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que la vie mondaine ne vous soit étendue comme elle l'a été à ceux qui vous ont précédé, et que vous vous concurrenciez dans celle-ci tout comme ils l'ont fait, et qu'elle vous fasse périr tout comme elle les a fait périr. Et lorsque les trésors de Kisra parvenirent à Omar, radiallahu anhu, il pleura et dit: Aucun peuple n'a eu cela sans qu'Allah ne mette de l'animosité entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc peur pour sa communauté de ces deux troubles. Comme cela est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, d'après Abu Barza, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Certes, ce que je crains pour vous sont les désirs de vos ventres et de vos sexes, ainsi que les troubles qui égarent. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dit ensuite: Lorsque la majorité des gens tombèrent dans ces deux troubles, ou dans l'un d'entre eux, ils se sont mis à se détester et à couper leurs liens entre eux après avoir été des frères. En effet, la finalité des désirs a aveuglé la majorité des créatures. Ils se sont donc fait tromper par la vie mondaine qui est devenue leur principal objectif. C'est celle-ci qu'ils recherchent et c'est d'elle dont ils sont satisfaits. C'est pour elle qu'ils détestent, s'allient et se désavouent. Ils ont ainsi coupé les liens, fait couler le sang et commis des péchés par sa cause. Quant à la fitna des ambiguïtés et des passions égarantes, de par sa cause, les musulmans se sont divisés et sont devenus des groupes se déclarant mécréants les uns les autres. Ils sont devenus des ennemis, des groupes et des sectes, et ce, après avoir été des frères, tel le cœur d'un seul homme. Et seul un de ces groupes parmi eux a réussi. Ce groupe est le groupe sauvé, mentionné dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté apparent sur la vérité, et ceux qui les abandonneront ou les contrediront ne leur nuiront pas jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc eux les étrangers à la fin des temps, et ce sont eux qui sont mentionnés dans les hadiths suivants, ceux qui sont vertueux alors que les gens sont corrompus, et ce sont ceux qui corrigent et rétablissent ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Ce sont ceux qui fuient les troubles avec leur religion, et ce sont quelques personnes de chaque tribu. Et ce, car ils sont très peu nombreux, un ou deux dans chaque tribu. Il est même possible que dans certaines tribus, il n'y ait personne parmi eux, tout comme cela a été le cas au début de l'islam. Et c'est ainsi que les savants et les imams de l'islam ont expliqué ce hadith. Ensuite, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a mentionné un chapitre dans lequel il explique que ce n'est pas l'islam qui va disparaître, mais que ce sont les gens de la sunna qui partiront. Il a dit, rahimahullah, Al-Awza'i, rahimahullah, a dit à propos de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger tout comme il a commencé. Il a dit, l'islam ne disparaîtra pas, mais c'est les gens de la sunna qui disparaîtront, jusqu'à ce qu'il ne reste dans le pays qu'un seul d'entre eux. Et c'est pour cette raison que les paroles des prédécesseurs contiennent énormément d'éloges envers les gens de la sunna, leur description par l'étrangeté et le fait qu'ils sont peu nombreux. Il est rapporté qu'Al-Hassan, rahimahullah, disait à ses compagnons: Ô gens de la Sunna, soyez doux, qu'Allah vous fasse miséricorde, car vous êtes parmi les moins nombreux des gens. Et Younous ibn Ubayd, rahimahullah, a dit: Il n'y a pas plus étrange que la Sunna, et plus étrange que cela encore, celui qui la connaît. Et Sofiane al-Thawri, rahimahullah, a également dit: Soyez bons envers les gens de la Sunna, car ils sont étrangers. Et ce que visent ces imams par la Sunna, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il était ainsi que ses compagnons. La voie qui ne comporte ni passion ni ambiguïté. Al-Fudhayl ibn Iyad, rahimahullah, disait d'ailleurs: Les gens de la sunna sont ceux qui savent ce qui rentre dans leur ventre, comme il cite. Et il a dit cela, rahimahullah, car manger du licite est une des plus grandes caractéristiques de la sunna sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Donc on voit bien ici que la sunna englobe tout ce sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dit ensuite, il a dit, après cela, les savants du hadith et autres ont pris l'habitude d'utiliser le terme sunna pour ce qui est exempt d'ambiguïté dans la croyance et surtout dans les sujets liés à la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin et concernant les compagnons. Ils ont donc écrit des livres de science portant le nom de la sunna. À titre d'exemple, le livre As-Sunnah de l'imam Ahmed, As-Sunnah lil Khalal, Sharh As-Sunnah lil Muzani, et également As-Sunnah de Ibn Abi Asim, et bien d'autres encore. Ils ont donc écrit des livres sur le sujet, car il est très dangereux. Et celui qui a des contradictions sur celui-ci court certes à sa perdition. La Sunnah complète est donc la voie qui ne comporte ni ambiguïté, ni passion des désirs, comme cela a été mentionné par Younous ibn Ubayd, Sofiane, Al-Fudayl et autres. Et c'est pour cette raison que ces gens ont été décrits comme étant étrangers à la fin des temps, à cause de leur petit nombre et de leur étrangeté dans celui-ci. Il a d'ailleurs été mentionné dans certaines versions expliquant ce hadith que ce sont des gens vertueux peu nombreux au milieu d'un grand nombre de mauvaises personnes. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ceci indique donc leur petit nombre et le peu de personnes qui les écoutent et acceptent d'eux, ainsi que le grand nombre de contradicteurs et de ceux qui leur désobéissent. Et c'est pour cette raison qu'il a été rapporté dans de nombreux hadiths l'éloge de ceux qui s'accrochent à leur religion à la fin des temps, en disant qu'ils sont semblables à celui qui tient une braise dans sa main et que celui qui œuvre parmi eux aura la même récompense que 50 personnes parmi ceux qui ont précédé. Ceux qui s'accrochent à la religion à la fin des temps sont donc des étrangers, et ces étrangers sont de deux catégories. La première sont ceux qui sont vertueux alors que les gens sont pervertis, et la deuxième, qui est la plus noble, sont ceux qui corrigent et réforment ce que les gens ont corrompu. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dit ensuite: Certes, les salafs avaient l'habitude d'appeler les croyants étrangers. Abu Shir al-Asbahani, rahimahullah, a d'ailleurs rapporté avec sa chaîne de transmission d'après Al-Hassan qui a dit: Si un homme de la première génération était ressuscité aujourd'hui, il ne reconnaîtrait rien de l'islam, mis à part cette prière. Et si la situation était ainsi à leur époque, alors que dire de notre époque? Wallahu musta'an. Ensuite, après cela, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a mentionné un récit très important de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dans lequel il a mentionné les différentes catégories de personnes, et plus particulièrement ceux affiliés à la science. Il a dit, rahimahullah, Abu Nu'aym et d'autres ont rapporté, d'après Kumail ibn Ziyad, rahimahullah, d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'il a dit: Les gens sont de trois catégories. Un savant éducateur, un étudiant recherchant le salut, et un sauvage vil suivant toute personne qui crie et qui n'a pas été illuminé par la science et ne s'est pas réfugié vers un pilier solide. Ensuite, il a mentionné une parole sur les mérites de la science, puis il a dit, radiyallahu anhu, en indiquant sa poitrine: Il y a dans celle-ci énormément de science. Si seulement je trouvais des gens pour la transmettre, car j'ai trouvé des gens n'étant pas dignes de confiance et utilisant la religion pour la vie mondaine, ou se servant des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour s'enorgueillir devant les serviteurs d'Allah. Ils n'ont en réalité aucune science et le doute pénètre leur cœur à la première ambiguïté. Ne sois donc pas parmi eux, ni parmi ceux qui courent derrière les désirs mondains tels des animaux. Et certes, c'est ainsi que la science disparaîtra avec la mort des savants. Mais elle ne disparaîtra jamais totalement. En effet, il y aura toujours sur terre des gens appliquant les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin que les preuves venant d'Allah et ses signes soient toujours présents. Mais combien sont-ils et où sont-ils? Par Allah, ils sont les moins nombreux, mais ce sont eux ayant la plus grande récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La science leur a fait voir la réalité des choses, ils ont donc atteint la certitude, et ils trouvent de la douceur dans ce que les gens trouvent difficile et aiment ce qui est repoussé par les gens. Ils sont présents dans la vie mondaine avec leur corps, alors que leurs âmes sont accrochées au plus haut degré. Ce sont donc eux, les viscères d'Allah sur terre et ceux qui appellent à sa religion. Dans ce affaire, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a donc classé ceux s'affiliant à la science en trois catégories. La première sont les gens des ambiguïtés qui ne possèdent aucune clairvoyance, et dont la première ambiguïté peut atteindre le cœur et les faire plonger dans le doute et la confusion. Et cela les mènera à l'égarement et aux innovations. Quant à la deuxième catégorie, ce sont les gens des désirs mondains, qui recherchent la vie mondaine avec la science et se servent de la science comme d'un outil pour obtenir la vie mondaine. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les vrais gens de science, qui la préservent et accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ce sont donc eux les moins nombreux, mais ceux ayant la plus haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dit ensuite: Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a donc décrit cette troisième catégorie par des caractéristiques, et parmi celles-ci, que la science leur a fait voir la réalité des choses avec clairvoyance, c'est-à-dire qu'elle leur a indiqué le réel objectif qui est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont donc craint et aimé, et ce qui est difficile pour les autres est devenu facile pour eux. Et ils ont également trouvé de la douceur dans ce que ceux qui sont pris par la vie mondaine trouvent impraticable. Et ce, car celui qui se trouve dans les désirs de la vie mondaine et ses plaisirs a du mal à les délaisser, car il n'a rien en échange de ses plaisirs s'il les délaisse. Il ne patiente donc pas dans leur délaissement. Quant aux gens de science, ils ont dans leur cœur ce qui est bien plus grand que cela, car ils ont atteint le plaisir de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de son amour et de sa glorification. Al-Hassan, rahimahullah, disait d'ailleurs à ce sujet: Les bien-aimés d'Allah sont ceux qui ont hérité de la belle vie et qui ont goûté à ses bienfaits. Et ce, de par leur proximité de leur bien-aimé, subhanahu wa ta'ala, et par le plaisir de son amour qu'ils ont trouvé dans leur cœur. Et parmi leurs caractéristiques également, le fait qu'ils sont dans la vie mondaine avec leur corps, alors que leurs âmes sont accrochées à l'au-delà. Ceci indique donc qu'ils n'ont pas pris ce bas monde comme une demeure, mais ils en ont fait un passage et non pas une résidence. Et certes, l'ensemble des livres et des messagers ont fait cette recommandation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a d'ailleurs informé dans le Coran au sujet du croyant de la famille de Pharaon qui a dit à son peuple en les exhortant: Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Omar, radiallahu anhu, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Le croyant dans ce bas monde est donc tel un étranger passant dans une contrée sans y vivre. Il est donc pressé de retourner dans son pays, et sa seule préoccupation est d'y retourner et de prendre des provisions qui le feront parvenir jusqu'à son pays. Le croyant dans ce bas monde est donc un étranger, car son père, Adam alayhi salam, était dans la demeure de la stabilité avant d'en sortir. Son seul objectif est donc de retourner à sa première demeure. L'imam al-Qayyim, rahimahullah, a d'ailleurs mentionné que l'étrangeté était de trois catégories. Et la troisième catégorie qu'il a mentionnée est une étrangeté qui englobe toute personne. Et ce, car cette demeure n'est pas une demeure éternelle pour eux, et ils n'ont pas été créés pour celle-ci. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans cette demeure, tel un étranger ou un passant. Quant aux deux autres sortes d'étrangeté qu'il a mentionnées, rahimahullah, la première est l'étrangeté des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et des suiveurs de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette étrangeté dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Quant à la deuxième étrangeté, c'est celle qui est blâmable. Et c'est celle des gens du faux et de la perversité au milieu des gens de la vérité. Ces gens-là, même s'ils sont très nombreux, sont donc étrangers et ils sont dans la solitude malgré leurs nombreuses compagnies. Voici donc quelques bénéfices tirés de l'explication du hadith sur les étrangers, ainsi que certaines de leurs caractéristiques. Mais le fait que l'islam redeviendrait étranger, cela veut-il dire que l'islam ne sera plus jamais apparent? Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit à propos de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis il redeviendrait étranger, tout comme il a commencé. Il a dit, rahimahullah, cela peut être expliqué de deux manières. La première est qu'il redeviendra étranger dans certains endroits et à certaines époques, puis il redeviendra apparent, tout comme au début, lorsqu'il était étranger, puis qu'il est devenu apparent. Ainsi, de la même manière, il serait étranger, puis redeviendra apparent. Ou cela peut vouloir dire également qu'à la fin des temps, il ne restera que peu de musulmans. Et ceci sera après la venue du Dajjal et de Ya'juj wa Ma'juj. Mais avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté apparent sur la vérité, et ceux qui les contredisent ou les abandonnent ne leur nuiront en rien jusqu'au jour de la résurrection. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.